Dizzy. Dizzy, mais branché, là le zoo est quadrillé. C'est un peu plus cher au zoo, mais c'est de la qualité. Le flic, tueur, t'as ma bras, au restera acquitté. M.A.S. m'a dit cop, la matrina va se marier. Toujours prêt à niquer des mères, tenez à le souligner. Les gamos, les mêmes chaînes, les grosses, tout un tout dit. Je l'ai mis dans le cul sur un son de caille, je peux plus t'oublier. Pour avoir un gros billet, je me mets dans mon billet. Tu passes chez moi depuis la maternité. C'est bien d'avoir les grenades, mais c'est plus des groupies. Je veux les funérailles de MLK, pas Johnny Hallyday. Ni ta mère, pas le cul, les rapines ne t'ont pas validé. BGP branché, 9 milli pour saccager. Quand j'ai fait sur mon son, j'serai obligé de te partager. J'ai signé avec Dieu, mais Iblis veut me manager. Je vais te faire les contours, mais je vais te les faire à la queue. Si tu parles mal de la bouche, la violence va escalader. C'est hello to my little friend, partaradé. J'suis sorti calibré, j'écoute un disque au baladé. J'suis Captain Africa, vers une rochole brillée. Sa mère ne m'aime pas, elle dit que j'ai trop d'obscénité. J'viens d'acheter deux hommes avec l'argent du pseïté. Va me faire à manger, parle pas de mes infidélités. Si t'es son ennemi, t'es le mien, y'a pas d'ambiguïté. VGP branché, genou de gauche sous le canapé.